comme Prévert, énumérer ici tout ce qu'il me plaît, ce qui me déplaît aussi. Dans mon sac à pain, il y a une souris. J'ai deux moineaux dans mon jardin, un coup de chagrin, une menace de pluie, des nouvelles de toi quand je m'ennuie. Pierre, quatre fleurs.